coucou. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes là? Ah oui, vous êtes là. Ah, je le sais. Oui, oui, je sais que vous attendez. C'est combien déjà? Est-ce que vous vous rappelez du nombre? Non? Non, non. Je vais vous faire, un petit rafraîchissement de mémoire. Oui. 786. Voilà. 786. Bien, bien, bien, bien. Eh bien, écoutez, si vous êtes là, moi, je suis là. Donc, nous sommes là. Donc, puisque nous sommes là, nous allons commencer, n'est-ce pas? Il y a quelque temps de cela, pas si longtemps, Marcel Azola nous quittait. Oui, il nous quittait, le Marcel. Vous savez, c'était l'accordéoniste attitré, j'allais presque dire, de Jacques Brel. Oui. Un petit hommage? Oui, un petit hommage à notre ami Marcel Azola dans cette émission, la 786e. Et c'est parti. We'll be right back.

ton prénom dans mon cœur. C'est la suite. C'est tout de suite. C'est maintenant. Coule, s'écoule, plus douce, ma vie dans sa course que l'eau d'une source, ma neige de rêve, qu'il pleuve ou qu'il neige, toujours est en fleur, ton prénom dans mon cœur. Vole, s'envole, nos joies farandoles, bourgeonne, redonne lumière à l'automne. À chaque sourire, tes yeux me dessinent la vie en couleur, ton prénom dans mon cœur. Berce tendresse, que naisse et renaisse toujours les promesses. Plus douce, ma vie dans sa course que l'eau d'une source, ma neige de rêve, qu'il pleuve ou qu'il neige, toujours est en fleur, ton prénom dans mon cœur. Plus douce, ma vie dans sa course que l'eau d'une source, ma neige de rêve, qu'il pleuve ou qu'il neige, toujours est en fleur, ton prénom dans mon cœur. Vole, s'envole, nos joies farandoles, bourgeonne. La vie en couleur, ton prénom dans mon cœur. Berce tendresse, que naisse et renaisse toujours les promesses de notre jeunesse. Qu'en moi s'éternise le temps des cerises, le goût du bonheur, ton prénom dans mon cœur. Prénom dans mon cœur, Dalida. Cette chanson, elle était inédite en 1983. Hein. Attention. Là, depuis, c'est vrai que l'eau a coulé, comme on dit, sous les ponts. Et de temps à autre, il fait bon. Il fait même très bon. Écoutez ces vieilles chansons. Thank you. Marcel Azola, eh oui, Vesoul, ça fait du bien, ça fait du bien. Mais ce petit boléro, oui, en tout cas, boléro, slow, allez, c'est de quoi, comment dire, de quoi frotter son petit museau. Allez, on y va. Écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Allez, je vous invite dans ma rue. Mmh.

dans un vieux quartier fréquenté comme ça par des danseurs de Java. Comme ça, rue de la Peuf, au temps joyeux où les frappes étaient chez eux. Rue de la Peuf, en ce temps-là, à petits pas on dansait la Java. Les Jules portaient des casquettes sur leurs cheveux gominés, avec de belles rouflaquettes qui descendaient jusqu'au nez. Rue de la Peuf, c'était charmant. Rue de la Peuf, mais plus prudent. Rue de la Peuf, pour les enfants, de les emmener ce soir-là au ciné, plutôt que d'aller se faire assassiner. Passez la monnaie, et ça tournait. Et plus ça tournait, et plus ça tournait, plus ça coûtait. Qu'est-ce que ça coûtait, qu'est-ce que ça coûtait? Quelques tickets. Mais on ne les payait presque jamais. Ceux qui ne sortaient pas de Polytechnique, pour la politesse, avaient leur technique. Avec les gonzesses, c'était à coup de trique qui discutait politique. Comme ça, rue de la Peuf, on rencontrait une frappe qui revenait. Rue de la Peuf, pour respirer un peu d'air frais de son bon vieux quartier. Il laissait à la Guyane son bel ensemble rayé pour cueillir le cœur de ses dames comme une poire au poirier. Rue de la Peuf, c'était parfait. Rue de la Peuf, oui mais rue de la Peuf, par les poulets. Un soir de rafle, il se faisait cueillir. Pour la Guyane, il devait repartir. Passez la monnaie, et ça tournait. Pendant que ça tournait, on l'emmenait. Et ça lui coûtait quelques années. Mais il les faisait presque jamais. Rue de la Peuf, quand il revenait. Rue de la Peuf, il recommençait. Eh oui, il recommençait rue de la Peuf. Mais celle-ci, c'est la valse des As. We'll be right back.

fête à Mexico. Ah, écoutez, il y avait Rue de Lappe, la valse des As, les boléros celtes, une histoire d'amour, il pleut sur mes vacances, la fête à Mexico. Que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre? C'est pas fini. Ce n'est pas fini, puisque nous allons découvrir, je dis bien découvrir, l'âme des poètes. On fredonne la mer, les ports et les bateaux. Les peintres en ont tiré tous leurs meilleurs tableaux. On parle du goémon exhalant son parfum, mais on ne chante pas l'âme de nos marins. L'âme de nos marins plane sur l'océan. Je l'ai vu ce matin sous l'aile d'un goéland. Elle s'enferme le soir sur les îles endormies, protégeant les secrets qui entourent leur vie. Quand tu traînes tes bottes sur les pavés des quais, tu rêves près du phare, au bout de la jetée. Tu écoutes le vent siffler dans les filins, mais tu ne penses pas à l'âme des marins. L'âme de nos marins plane sur l'océan. Je l'ai vu ce matin sous l'aile d'un goéland. Elle s'enferme le soir sur les îles endormies, protégeant les secrets qui entourent leur vie. Les gens de mer qui venaient tous les soirs sur les ancres rouillées un instant vous asseoir. Vous traînez dans la nuit parfois jusqu'au matin, mais vous ne dites rien sur l'âme des marins. J'ai passé mon caban, j'interroge le ciel, j'interroge le vent. Si je fais la bamboche en chantant des refrains, je ne sais pas prier pour l'âme des marins. L'âme de nos marins plane sur l'océan. Je l'ai vu ce matin sous l'aile d'un goéland. Elle s'enferme le soir sur les îles endormies, protégeant les secrets qui entourent leur vie. Thank you. rectifier, bien sûr, c'était pas l'âme des poètes, c'était l'âme des marins. Allez, avec toutes mes excuses. Une nuit de chagrin, de ces heures trop brèves, il ne resta qu'un refrain. Ce fut comme une fièvre, guérie le lendemain. Sur le papier, quelques noms, c'est la valse à Pierrot. C'est avec cette valse à Pierrot que l'on termine cette première partie de l'émission. Et puis la valse à Pierrot, bien sûr, elle nous fait penser tout de suite à Pierrot et Marie qui sont à l'hôpital. L'hôpital, le village. Oui, il faut préciser parce qu'ils ne sont pas à l'hôpital, hein, ils ne sont pas hospitalisés. Ils habitent l'hôpital. Voilà. Ça me permet de leur faire un gros coucou à Pierrot. Et à Marie. Allez, on attaque la deuxième partie de cette émission. Et alors là, comme toujours, avec de vieux souvenirs qui me hantent. De bons souvenirs. Ah oui, de bons souvenirs. Et bon, allez, tant pis. Je me fais plaisir et je vous fais plaisir. Mais je dois être honnête. Ah ouais, je dois être honnête. J'aime ça. Thank you. Vous avez entendu ? 13 ans. 13 ans à la trompette, la jeune fille là, que l'on vient d'entendre dans le concerto d'Aranjuez. Eh oui, une trompette, la jeune fille, 13 ans. Que du bonheur ! Que du bonheur ! Bon, c'est pas fini. C'est pas fini. On va continuer. On va continuer avec... Avec Dalida, tiens. Le temps des fleurs. C'est la pluie de printemps qui vient lécher mes joues.

Marie-Noël Curtena, et si? Sur la planète Terre coulent encore des rivières. Dans ce grand univers, le soleil chauffe la terre. Dans cette immensité, la lune nous éclaire au milieu des étoiles. Depuis des millénaires, à la place des prés, on construit des usines qui polluent, qui salissent, qui asphyxient les villes. On dévie les cours d'eau, les arbres dépérissent. À vous les responsables, très humblement je dis. Et si les volcans se mettaient à trembler dans la nuit, et si notre terre un matin devenait plus fertile, et si tous les hommes un beau jour basculaient. Et si un grand raz de marée détruisait notre vie? Le petit ours blanc dérive sur la glace, sa banquise se fend, se brise sous ses pattes, et les grands singes gris ne retrouvent plus leur place. Au nom de qui, de quoi brûle-t-on leurs espaces? Et si le monde d'aujourd'hui était moins égoïste? Et si l'on était plus conscient, un peu plus réaliste? Et si souvent à tout ce qui existe? Et si l'on se prenait la main en pensant à demain? Et si le soleil décidait de nous anéantir? Et si Notre-Dame, la lune, ne voulait plus sourire? Et si l'océan à nouveau ces îles? Et si notre terre nourricière se figeait immobile? Et si Marie-Noël, une chanson absolument d'actualité. Une chanson, il y a déjà quelque temps qu'elle elle a écrit cette chanson au Marie-Noël. D'ailleurs, de temps à autre, bien sûr, nous vous proposons un certain nombre de ces titres. « Réapprendre à sourire », « La chaumière de mon grand-père »,« Souviens-toi Marie »,« Ma douce hirondelle »,« Princesse des bois »,« Ma belle Lola ». Les années passent ensemble, et si le voyageur sédentaire, confidence, dis-moi. C'est tiré justement de cet album. Voilà, Marie-Noël toujours égale à elle-même, tout simplement, tout simplement. Et on termine cette deuxième partie de l'émission avec le bel Hidalgo. Presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que me haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, de que te hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tú luz. Hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, de que hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amor. Y ese siempre fui yo. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tú. hacer, pues solo por orgullo ese Hidalgo espagnol, hein. Ah oui, alors lui, avec cette magnifique chanson. On termine donc cette deuxième partie de l'émission, et bien sûr, sans plus attendre, nous enchaînons le quart d'heure italien. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Musique. Nous sommes toujours dans le quart d'heure italien et j'avais oublié de monter le curseur de mon micro. Nous y sommes et nous y retournons. Coraggio per chi forse è degno, ora che il resto non ha più valore, l'amore vive anche sopra il dolore. Io l'ho tenuto nascosto qui dentro di me, chissà perché, credevo fosse soltanto una goccia, ma c'è un mare in me. Basterebbe anche un filo di voce per dire tutto in due sole parole. Non ho capito l'amore che avevo per te, chissà perché. Ieri sembrava una goccia ed invece ora c'è un mare in me. Grande, sapessi quanto è grande. We'll be right back. momenti miei con te. Immaginando anche un bambino, chiedo il resto al mio destino, è tutto un attimo. La mia vita è questa qua, e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso. Quelques minutes, encore une ou deux chansons et nous y serons. Hein. Eh oui, que voulez-vous ? Le temps passe vite hein, dans le quart d'heure italien. Et pourtant, il n'y a pas qu'un quart d'heure. Allez, on y retourne. Bionda non la voglio no, la donna bionda non la voglio no, perché agli occhi da vagabonda la donna bionda non la voglio no, perché agli occhi da vagabonda la donna bionda non la voglio no. La voglio no, quella, io voglio quella, la donna brutta non la voglio, no. La donna bella, io voglio quella, la donna brutta non la voglio, no. À mon avis, ça va être la toute dernière, alors ne soyez pas désolés. C'est le quart d'heure italien. Dalla sua terra se n'è andato, per giorni ha camminato, lontano dalle sue radici, da solo e senza amici, ma è rimasta dentro il cuore la voglia di tornare per ritrovare quell'amore che aspetta laggiù. Torna a casa, cavallero, cavalcando il tuo destiero. Passando la radura, cavalca senza paura, lasciando dietro tante storie di gioia e di dolore. Cavallero, cavalcando il tuo destriero, nella nebbia della sera, stai seguendo una chimera. Torna a casa, cavallero, segui fiero il tuo sentiero, sventolando il tuo sombrero, ritorna, mio cavallero. Cavallero, cavalcando il tuo destriero, nella nebbia della sera, stai seguendo una chimera. Torna a casa, cavallero, segui fiero il tuo sentiero, sventolando il tuo sombrero, ritorna, mio cavallero. c'est terminé. Rendez-vous avec vous. La prochaine sera dans quelques jours, dans une semaine. Mais n'oubliez pas la rediffusion. Et oui, le dimanche et le lundi. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous laisse et je vous embrasse. Je vous aime d'abord. Ah oui. Je vous aime et je vous embrasse. Et vous, les femmes, je vous embrasse. Partout, partout, partout, partout. Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous.